consiste à traduire un des livres de Louis Sass, qui est quelqu'un qui est venu ici, un psychologue américain très connu aux États-Unis, enfin dans le reste du monde, sauf en France, parce qu'on a jamais traduit un film. Et qui, donc, le livre en anglais s'appelle The Paradoxes of Delusion, Wittgenstein, Schreber and the Schizophrenic Mind. Et Louis Sass, donc, est un psychologue formé à la phénoménologie, et son livre est une lecture que je crois extrêmement originale du cas Schreber, dont je commencerai à parler après avoir terminé là, cette mise en jambe sur Henry James. Et je vais effectivement m'appuyer pas mal de... Enfin, je vais prendre très au sérieux l'interprétation que Louis donne du cas, et qui est aussi... Alors, c'est phénoménologique, bien sûr, ce que raconte ici Louis, mais c'est aussi très, très marqué par Wittgenstein. Et c'est vraiment, je crois, un ouvrage qui a été, écrit il y a une vingtaine d'années, et qui a été salué par la critique comme un des principaux tours de force de la philosophie de la psychiatrie en langue anglaise. Et je crois que c'est vraiment... Bon, je m'en servirai beaucoup. Donc, je vous le fais passer pour que vous voyez. C'est dans cette collection-là. J'ai vu que vous aviez le premier là, que j'ai écrit, L'Esprit Malade. Voilà, donc, en fait, vous voyez, c'est les mêmes couvertures qu'on a décalées dans le Pantone. Et voilà, donc c'est ce bouquin-là sur lequel je vais m'appuyer. Alors, je vais reprendre ce soir, et j'espère... Mais j'ai beaucoup, tellement accumulé de choses que je suis absolument pas sûr de le finir. Enfin bon, on va voir jusqu'où je vais aller quand même. Et donc, de cette analyse de la nouvelle de James, The Altar of the Dead, en entamant ce que donc j'avais promis de faire la dernière fois, c'est-à-dire ce parcours sur Abraham, sur Freud, sur Mélanie Klein, et j'espère arriver à dire deux ou trois choses sur Lacan, essentiellement sur la fin du séminaire de l'angoisse, donc d'une part en travaillant sur la jonction et la disjonction des thèmes du deuil, de l'angoisse et de la mélancolie, que je vais repréciser en quel sens je l'aborde, hein, c'est-à-dire autour de la notion de l'objet du deuil, de l'objet de l'angoisse, etc., donc d'une analyse intentionnaliste de la perte, hein, de la perte de l'objet, donc dans le contexte de quelque chose que j'avais fait devant donc, des psychiatres américains, notamment Jeremy Field l'an dernier. Et puis, je vais revenir, et c'est par ça que je vais commencer même tout de suite, parce que ça nous remettra plus vite dans le bain, sur la question du lien intrinsèque de la mélancolie et du deuil. Vous savez que c'est un des fils conducteurs de la tradition psychanalytique, hein, d'essayer de comprendre le phénomène de la mélancolie à partir du phénomène du deuil. Et ce que j'avais la dernière fois commencé à avancer, c'est que si ce lien a tout à fait eu, à mon avis, une consistance, une pertinence clinique, et la conserve certainement, hein, le deuil est certainement un moyen d'entrer, si on veut trouver que c'est un avantage dans la mélancolie, mais que une analyse un peu différente de la mélancolie permettait, je crois, de relativiser fortement le lien entre le deuil et la mélancolie, dont Freud dit dans Deuil et mélancolie, hein, dans les deux dernières pages, que c'est un lien qui lui paraît absolument essentiel. Et j'étais parti pour ça, vous vous rappelez, je vais reprendre ce point parce qu'il était un peu difficile à expliquer, du dire mélancolique, hein, qui est bien différent de ce qu'on appelle le discours. Le dire mélancolique, que j'avais qualifié d'anti-performatif. Un sens bien particulier, c'est que, vous savez, si dire c'est faire, hein, selon la formule célèbre d'Austin, il y a quelque chose dans le dire mélancolique qui est non seulement la destruction, c'est un non-faire radical, c'est dire avec une sorte de distance vertigineuse très particulière, et également en visant la destruction plutôt de l'objet ou de ce qui se passe, mais ça va jusqu'à aller exposer, comme je vous l'avais pointé, le néant ultime des choses. Hein, ça c'est vraiment Je crois une des caractéristiques fondamentales du dire mélancolique, c'est qu'il expose le néant des choses. Il en ressort, hein, et ça c'est un point qui a toujours été bien repéré, mais je dirais plutôt comme une sorte de dimension particulière verbale de la mélancolie, et qui serait comme une sorte de conséquence de la tristesse, ou une forme cultivée de la tristesse, de la perte, et pas comme quelque chose d'absolument central. Il en ressort quelque chose que vous connaissez très bien dans la mélancolie, c'est la méfiance à l'égard de l'expression, où l'expression elle-même, idéalement, finit par être réduite à une pointe aussi rare qu'amère, hein, ce qui n'empêche pas cette pointe du dire mélancolique de temps en temps de s'érotiser, de devenir jubilatoire dans des choses comme la verve satirique, etc., qui ont fait que justement dans l'ordre des discours humains, les anciens, hein, avaient considéré que l'épigramme, hein, cette espèce de trait absolument meurtrier qui vient réduire à néant une vanité ou une gloire de ce monde ou un objet, etc., que l'épigramme était un genre à soi tout seul. C'est le genre dont l'expression, les contenus sont le plus bref possible. Ça tient en une, si possible, en une phrase, voire idéalement en une sorte de pure réplique ou de jeu comme ça. Je crois qu'on pourrait dire plutôt « line », hein, en anglais. Bon. Et ce qui est très important dans cette pointe sarcastique, c'est qui mord, n'est-ce pas, qui est la véritable oralité, hein, c'est que tout y passe. C'est pour ça que j'avais la dernière fois attiré votre attention sur le très remarquable dictionnaire du pire de Stéphane Legrand, dans lequel effectivement il utilise la technique du dictionnaire, et il explique très bien que c'est pas le premier, hein, il y en a d'autres avant lui, d'autres auteurs, notamment anglo-saxons, hein, qu'il cite américains, dans lequel tout y passe, n'est-ce pas, de A à Z, hein, c'est-à-dire vraiment là, vous prenez tout ce qui est intéressant, beau, l'amour, les enfants, le savoir, la science, etc., et en l'espace d'un paragraphe et parfois simplement d'une définition, la chose est anéantie. Elle est rendue à son néant. Et en ce sens, à partir du moment où vous commencez dans cette direction, le dire mélancolique, non seulement tout y passe, mais celui qui l'énonce y passe aussi. C'est ça, c'est dans cette logique-là de l'auto-anéantissement, du moment où le sarcasme s'applique au lanceur d'épigrammes, que quelque chose de l'ordre de l'auto-anéantissement se profile, et qui n'a pas nécessairement la figure spectaculaire du suicide par défenestration ou de ces choses-là, qui peut être par exemple le suicide social, un sport dans lequel certains personnages extrêmement brillants excellent, n'est-ce pas ? Et où se signale d'ailleurs vraiment l'intensité de leur mélancolie. Sans que, par ailleurs, ils perdent, n'est-ce pas, le goût des femmes, de l'argent, de la reconnaissance, ou des choses comme ça, mais ce qui les empêche pas de réussir à ce qu'ils y passent aussi, hein, dans certaines attitudes qu'ils ont. Autrement dit, je ne crois pas que le mélancolique soit toujours dans la plainte. Hein, il faut faire très attention à ce point. Il n'est pas toujours dans la plainte, au sens où la plainte est le discours de la perte. Quand il parle, on a plutôt le sentiment qu'il est en train d'entraîner à sa perte le discours lui-même, hein, le discours social. C'est cet effet-là qui peut être de temps en temps connecté à la plainte, au deuil, dans lequel on va projeter, n'est-ce pas, l'idée qu'il perd quelque chose. Mais en perdant cette espèce de présence formelle de l'énoncé et du dire mélancolique au univers de discours et de culture dans lequel il se déployait jusqu'ici. Puisque la culture, et c'est ça, c'est pour ça que j'étais très sensible au genre de l'épigramme dans l'Antiquité, les grandes cultures abritent le discours mélancolique. Par exemple, des grandes cultures mélancoliques comme la culture américaine ont développé tout un espace de l'humour noir, par exemple, de l'auto-dérision qui est extrêmement important. En Grande-Bretagne, il y a l'âge classique, toute la satire, toute la dimension de la satire, chose extrêmement fondamentale. Et bien évidemment, dans le romantisme, la mélancolie romantique est en réalité étroitement liée, n'est-ce pas, à cette mise en cause du discours, par exemple chez Kierkegaard. Bien. Il en ressort que justement, lorsque on est dans cette espèce de logique freudienne et post-freudienne, de l'ombre de l'objet qui est tombé sur le moi, n'est-ce pas, de cette espèce de tentative de rabattre le dire mélancolique sur une expérience du deuil comme perte, il me semble que nous captons effectivement des choses qui se passent. Mais je voudrais insister très fort pour vous montrer que ce n'est peut-être pas si systématique que ça. Et que s'il y a des points de recouvrement bien établis, etc., il ne faudrait pas oublier que les contextes historiques, ne serait-ce que l'angoisse de ce que ça peut être qu'une mélancolie qu'on ne pourrait pas référer au deuil, dont je vais parler bientôt, font que c'est peut-être pas si clair. Bien. Alors, ça suppose quoi? Ça suppose que si cette coïncidence providentielle entre le deuil et la mélancolie, dont l'Hôtel des Morts me semble être le témoignage peut-être le plus spectaculaire à la fin du XIXe siècle, parce qu'il est contemporain quasiment des textes d'Abraham, des textes de Freud, dans un contexte, n'est-ce pas, de l'Europe cultivée, de la culture post-romantique, de la culture de la neurasthénie également dont je vais parler, des formes institutionnalisées et industrialisées presque, d'ailleurs de la morosité, de la douleur morale, etc., dans lesquelles les gens se reconnaissent, s'identifient absolument partout, qui permet de considérer qu'il y a un discours déprimant, un discours dépressif, quelque chose comme une chose de ce genre-là, eh bien, cette fenêtre de la culture, elle s'ouvre à un certain moment, d'une manière assez spectaculaire, elle se ferme pendant la guerre. Puis, je rappelle, Henry James meurt en 1916, je crois, Deuil et mélancolie est écrit en 1915, et après la guerre, un autre facteur va émerger, au moins dans la psychanalyse, mais et dans la conscience des Européens, c'est le caractère industriel et dépourvu de sens de la mort, auquel je dirais pourquoi les Américains ont été sensibles avant les Européens. Bon. Mais en tout cas, la pulsion de mort, ces choses-là vont probablement déplacer d'une manière insoupçonnée l'espace de sens à l'intérieur duquel l'alliance traditionnelle du deuil et de la mélancolie pouvait passer comme évident. À nouveau, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de lien cliniquement pertinent dans les cas qu'on peut observer entre le deuil et la mélancolie. Ce à quoi je m'intéresse, c'est justement à la possibilité théorique que de les disjoindre, et grâce à cette possibilité théorique, d'éclairer des phénomènes de symptomatologie mélancolique qui ne prennent pas la figure du deuil. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire que la mélancolie ait besoin de se loger dans un espace culturel, social et historique, où, que dans cet espace soit en quelque sorte construit la notion de deuil excessif, pathologique, etc., qui assure la jonction entre la série du deuil et la série de la mélancolie. Ça veut dire que cet autre du langage, de la culture, de la civilisation, et la civilisation, je vous le rappelle, c'est la grande valeur de l'Europe et du monde qui s'autoproclame d'ailleurs civilisé avant la guerre de 14, c'est-à-dire avant de s'être rencontré sous un jour inattendu au fond des tranchées, c'est-à-dire la civilisation, ce qu'on appelle la civilisation à l'époque, et la tarte à la crème de tout ce que tout le monde a l'impression de défendre ou de promouvoir avant la guerre de 14. Cette civilisation quadrille d'une manière extrêmement rigoureuse et puissante avec les idéaux de la bourgeoisie, mais pas seulement, avec le développement de la science, les idéaux de progrès, etc., un réel dont elle contrôle, au fond, le développement. C'est rien d'autre que ça, l'idée de progrès, de science, d'avancée de la rationalité, de progression des libertés démocratiques, de transparence à soi, de la conquête de l'autonomie des individus, de sans idée d'un sens de l'histoire, quelles que soient les versions compétitives qu'on puisse en avoir à l'époque, et que cet autre, il est effectivement dehors. Lorsque cet autre, par certains aspects, ne couvre plus tout, et évidemment, l'expérience du cadavre que vont faire les soldats de la guerre de 14, je fais des simplifications grotesques, mais c'est parce que c'est assez important de pointer ces choses-là, parce qu'elles ont laissé des traces dont on n'apprécierait pas, sinon, par exemple, chez les poètes de guerre anglais, chez Owen, chez Sassoon, chez les Allemands, chez Junger, par exemple, des gens comme ça, dont on n'apprécierait pas ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu, c'est un trou dans la civilisation. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a du corps réel, qui n'est pas un réel qui vient tout d'un coup en masse se mettre à décomposer et à pourrir, qui laisse une impression absolument, absolument définitivement glaçante. Alors, la conjecture que je soulève, qui est que quelque chose qui s'est passé là, qui se prolonge dans tout le 19e siècle, dans toute la fin, le 20e siècle européen, c'est qu'une autre mélancolie devient ici possible. Une mélancolie qui ne se loge pas dans l'accueil que le discours, que la langue, que la signification, la culture peut faire à l'épigramme, au sarcasme, à la satire, à l'humour noir, à tout ce que vous voulez de ce genre, y compris jusqu'au suicide social ou au suicide tout court, hein, qui sont des actes, hein, qui prennent place comme des actes à l'intérieur d'un espace signifiant. Mais, au fond, l'accompagnement rigoureux du vieillissement, de la déchéance et de la mort de son propre corps, dans un silence, une sérénité, une sorte d'invisibilité du fait qu'on meurt avec soi-même, sans aucunement, vous voyez, verbaliser, produire de construction intellectuelle de cela, mais en restant comme collé, d'une certaine manière, à l'existence de cet autre corps, de ce corps autre, avec des majuscules, pour que ça sonne lacanien, qui, tout doucement, se défait. Qui n'est pas dans un état de perte intentionnelle, mais plutôt où l'expérience qu'il y a, c'est celle de la déperdition de la vie et de l'accompagnement de cette déperdition de la vie dans son corps comme étant la seule épaisseur que prend l'existence de cette mélancolie. Si vous voulez, en ce sens-là, la mélancolie auquel je fais allusion, qui est une mélancolie moderne, c'est une mélancolie qui n'est pas la mélancolie hypochondriaque ou cotardisé, qui renvoie toujours à ce qui manque, à un organe manquant, à l'idée qu'on l'a volé, que quelqu'un d'autre a pris mon foie, mon rein, ou qu'il n'y a rien, n'est-ce pas, que dans ma tête, ou que je suis bouché. Cette espèce de chose qui se verbalise terriblement dans la plainte cotardienne, dans la plainte hypochondriaque. C'est beaucoup plus cette doublure psychique inerte, constamment dépressive, qui accompagne certaines déchéances lentes du corps, cancéreuses, psychosomatiques, par exemple, sans qu'il y ait grand-chose à dire, finalement. Parce que la culture n'inscrit pas certaines choses qui se passent dans le corps, la culture, le langage, etc. Elle les laisse structurellement indicibles. La mélancolie moderne ayant donc précisément affaire, certaines formes de mélancolie moderne, ayant affaire à l'espace non saturé par le langage, non quadrillé par le langage, et par le langage de la perte et du manque, du réel lui-même. Ainsi, laisser sa vie, ces mélancolies extrêmement particulières que l'on voit de temps en temps, et qui en général ne sont pas comprises, parce que ce que j'essaie de vous donner, là c'est un instrument métapsychologique pour les repérer, ces mélancolies qui consistent à laisser sa vie se vivre sans la retenir ni l'habiter. Laisser sa vie, et comme ça, dans une sorte d'inaffectivité morose, de défection pulsionnelle silencieuse, au sens où cette défection pulsionnelle ne va même pas exploiter cette possibilité offerte par le langage et le discours de la mélancolie, le discours qui est un discours du deuil, hein, qui socialise cette mélancolie dont je parle en l'associant au deuil. Cette défection pulsionnelle silencieuse ne va même pas attaquer des objets qui sont dans le champ de l'autre. C'est pas la mélancolie littéraire du dictionnaire du pire, c'est pas quelque chose qui vient viser des idéaux et les faire tomber d'un sarcasme, des idéaux habitant le champ de l'autre. C'est quelque chose de beaucoup plus mou, de beaucoup plus angoissant, de beaucoup plus stuporeux, qui n'a pas besoin du suicide. Le suicide serait encore un acte posé dans le champ de l'autre. Vous voyez, ce serait une éjection du champ de l'autre. C'est plutôt quelque chose comme une attente naturelle de la fin qui prendrait... c'est qu'il n'y a pas besoin de se fatiguer à se tuer, n'est-ce pas? Il suffit de se laisser vivre, parce que se laisser vivre, c'est exactement la même chose que se laisser mourir. Et qu'il n'y a même pas cette espèce de distance qu'on pourrait mettre au-dessus. Et par là, la pulsion de mort... vous fait sentir que l'image correcte auquel on peut l'associer, c'est l'entropie. C'est-à-dire que c'est pour de bon, oui, c'est pas une sorte de métaphore à la con d'un Freud scientiste, etc. Oui, là, il y aurait une dimension d'entropie, dans ce que je désigne, qui est évidemment beaucoup moins la perte de quoi que ce soit que la pure déperdition à l'état pur. Un processus radicalement ontologique touchant toute chose qui existe, d'aller vers zéro, d'aller vers le froid, etc. Alors à ce niveau-là, la mélancolie dont je parle, cette mélancolie moderne, se distingue très fortement du deuil et de son imaginarisation dans le vocabulaire de la perte dont je vais beaucoup parler aujourd'hui. Or je crois que si je l'appelle moderne, c'est parce qu'il y a des raisons fondamentales qui font que ce sont les Américains qui ont rencontré pour la première fois cette affection, puisque vous savez que ce sont les Américains qui ont répandu dans le monde ce qu'on appelle la neurasthénie, cette espèce de morosité diffuse avec une composante psychosomatique mystérieuse, dont tout le monde a très très bien vu qu'elle n'avait rien à voir avec l'hystérie, elle était même opposée cliniquement à l'hystérie, notamment parce qu'elle touchait un peu plus les hommes, d'ailleurs, que les femmes, avec toutes sortes de variantes somatiques, douloureuses, allant jusqu'à l'anesthésie, au fond, allant jusqu'à l'insensibilité, au goût, aux couleurs, etc., ponctuées de douleurs poignantes, etc., et dans une espèce d'opacité vraiment vive. La neurasthénie, c'est quelque chose qui vient des États-Unis parce que les Américains neurasthéniques, eh bien, sont les survivants de choses. Alors, de ce qu'on dit, n'est-ce pas, le premier développement de la culture moderne, de la fatigue, de l'énervement, du bruit, de l'agitation, n'est-ce pas, la neurasthénie est une maladie de civilisation, liée à la civilisation. Mais aussi d'une manière beaucoup plus insidieuse parce qu'il y a eu une guerre de 14 aux États-Unis. Il y a eu une présentification de ce que c'est que la mort administrée de manière industrielle, c'est la guerre de sécession. Je veux dire, la première bataille de l'histoire de l'humanité, où, pour prendre l'exemple de mon grand-père, on ne peut pas creuser les tranchées parce qu'il y a trop de cadavres empilés, c'est Gettysburg. C'est lorsque le Nord n'a absolument rien d'autre que de faire débarquer des bateaux, des dizaines de milliers d'immigrants irlandais fuyant la famine, leur mettre des costumes bleus sur la tête et sur le corps et de les envoyer se faire trucider par les officiers d'élite qui sont tous passés au sud, et d'opposer des poitrines à l'ingéniosité militaire de Lee et des généraux sudistes. Jusqu'à ce que l'industrie du Nord réussisse à fabriquer des canons de plus en plus puissants, à transporter les troupes en chemin de fer, à distribuer une mitrailleuse pour 100 personnes, des fusils à répétition, et que la boucherie prenne des proportions absolument hallucinantes. Hein, Blueberry Hill, ces choses-là, c'est vraiment des visions d'horreur. Ce sont justement les neurologues qui vont soigner tous ces gens-là, qui vont repérer les premiers grands troubles anxieux, paniques, traumatiques, etc., de l'histoire de la psychiatrie militaire. Et ce sont les mêmes qui vont ensuite les repérer dans la neurasthénie. Pourquoi donc je parle de cette neurasthénie? Parce que la neurasthénie américaine est très particulière. Elle est, par exemple, si vous prenez le frère de Henry James, William James, le philosophe et psychologue, vous voyez, tout cet espace-là, c'est l'espace d'un nouveau type de tristesse et d'absurdité, de sentiment de l'absurdité dans l'existence, qui fait que la religion existe, bien sûr, mais que la religion est plutôt à reconstruire dans la perspective jamesienne, à rejustifier de l'intérieur, d'une façon qui lui semble être, si vous voulez, dans la culture protestante de son époque, un geste traditionnel, n'est-ce pas, la conversion, chaque génération doit retrouver par une conversion Dieu. Sauf que c'est là, sur le fond, d'une incertitude d'un type totalement nouveau. Si vous lisez, par exemple, l'étrange « Is Life Worth Living » de James, de William James, dans The Will to Believe, la volonté de croire, mesurerait très bien cette espèce de tension, la volonté de croire. C'est que la foi, par exemple, la foi, faut vouloir. C'est un thème qui a l'air d'être comme ça, super classique dans le protestantisme américain, n'est-ce pas ? Faut vouloir. Sauf que le problème, c'est que faut vouloir, mais faut vouloir de plus en plus fort, quoi, parce que c'est pas croyable, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas du tout. Et pourtant, c'est là où une tension très particulière se met en place, le décollage, si vous voulez, de l'adhésion subjective à ce qui en garantissait finalement, culturellement, institutionnellement, moralement, le succès de cet effort de la foi. Désormais, cet effort de la foi, hein, dans la religion pragmatique d'un James, devient un effort qui doit valoir par lui-même, mais en un sens beaucoup plus angoissant, en fait, que dans le luthéranisme et le calvinisme traditionnel. Il en va de même pour quelqu'un comme Henry James, le frère, je parle pas de leur sœur, qui est à moitié barjot, qui était neurasthénique, mélancolique au dernier degré, etc., et qui corrigeait, il était tellement con ce qu'écrivaient ses frères, que c'était elle qui écrivait, sans le dire, une grande partie des textes de jeunesse de William et d'Henry, hein, du fond de son lit où elle mangeait à la cuillère, etc. On lui montrait les manuscrits, rectifier les erreurs philosophiques, les impropriétés stylistiques, et en mangeant, je crois, quelque chose comme 50 grammes de pain et 1 demi-litre de lait par jour. Enfin, c'était, bon, la sœur des frères James, qui elle en est morte, hein, elle est restée au lit, je crois, une quinzaine d'années, puis elle a fini par mourir. La sœur des frères James, notamment, a permis à Henry de prendre conscience du fait que désormais, le problème de la littérature, c'est qu'elle a conscience d'être une littérature. C'est que l'écrivain, le véritable écrivain de génie, il a conscience que s'il arrête de faire de la littérature, c'est la culture qu'il tue lui-même, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le maintien de l'existence de la civilisation, c'est un exercice de conscientisation absolument constant qui fait que le destin de comparer les États-Unis et l'Angleterre amène, comme vous savez, William James a demandé la nationalité anglaise pour se retrouver du côté d'un espace linguistique et culturel dans lequel la culture en tant que telle reste une valeur garantie et portée par l'espace dans lequel il se déplace, ce qui est le malheur de tous ces personnages, journalistes, voyageurs, américains, qui ne disposent pas de cet appui dans la langue, bien qu'ils imitent l'Angleterre, cet appui dans la langue et dans la culture, parce que la culture américaine, c'est la culture du business, de l'industrie, du développement, de l'enrichissement phénoménal de l'Amérique. Le fait que d'avoir conscience de la littérature en tant que littérature, c'est le côté positif chez Henry James de ce qui perce en dessous, qui est l'idée que la culture est en train de finir. C'est-à-dire qu'il y a des espaces entiers de la culture qui sont en train de s'écarter, de laisser apparaître des choses qu'on ne pourra jamais apprivoiser, qu'on ne pourra jamais encadrer, qu'on ne pourra jamais rendre disciple, signifiante, etc. Donc vous voyez, Je vais beaucoup plus loin que l'idée que la modernité, comme dit Lacan, c'est le moment où le père réel et le père symbolique entrent dans une sorte de décollage particulier qui fait qu'effectivement le père réel devient quelque chose qui est fondamentalement n'importe qui, voire un pauvre type, absolument rendu inadéquat à la modernité. C'est ce qui fait, n'est-ce pas, la lecture chez Lacan, mais j'avais insisté là-dessus il y a quelques années, du père Goriot. Le père Goriot, comme parlementaire régicide, n'est-ce pas, il a voté, il a contribué avec le, il est complice des Jacobins, et donc de la mort du roi, et qui est puni de cela comme père Goriot de la destruction de, la, de l'identité même de ce que c'est qu'être un père par l'ingratitude épouvantable de ses filles, et qui dans son délire final, n'est-ce pas, dit il faut appeler l'armée, la police, etc. C'est mes filles, je veux les voir, etc. Je veux... je leur ai tout donné, elles me doivent quelque chose, et pendant que leurs filles, évidemment, les filles de Goriot poursuivent leur carrière mondaine... L'argent remplace les anciennes articulations symboliques. Et c'est le début, c'est le premier roman de la comédie humaine, qui devient humaine à partir du moment où le verrou du père saute. L'attentat contre le roi se répercute au niveau des individus par l'ingratitude des enfants et la destruction du symbole paternel. Sauf que cette version très lacanienne de la compréhension de la modernité, certainement, au début du romantisme et du libéralisme, on en voit les choses. À la fin du 19e siècle, ça s'est étendu bien au-delà du père. C'est-à-dire que le décollage entre la déhiscence, entre ce qui est de l'ordre du réel et ce qui est de l'ordre du symbolique, pose des problèmes tout à fait originaux à la culture, au langage, à la discibilité, et qu'il y a des espaces, des points d'indicibles nouveaux, des lieux où le sujet n'est pas habité, n'est pas abrité, pardon, et où du coup, avec la révélation glaçante de la guerre, quelque chose de totalement nouveau se passe dans l'espace du XXe siècle. C'est pour ça que j'aurais même tendance à dire, et c'est un peu ce qui va guider mon analyse ce soir, que des choses comme deuil et mélancolie, c'est plutôt le champ du cygne d'une vision de la mélancolie où l'on pouvait encore, de manière relativement naturelle et sensible, rapporter la mélancolie au deuil pathologique, à la perte de l'objet, avant que quelque chose comme la pulsion de mort n'occupe le devant de la scène et en fait ne modifie toute la couleur de ce à quoi on a affaire dans la question de la mélancolie. Et notamment d'une... quelque chose qui me... Bon, évidemment, ensuite, ça devient les horreurs que je vous ai évoquées. Le cadavre au sens de ce que vont découvrir les gens de la guerre de 14, puis ceux de la Deuxième Guerre mondiale, sous toutes ses formes, mais qui, pour nous aussi, continue à valoir, au sens où ce qui devient possible, c'est une forme de mélancolie sans inscription langagière particulière. Parce que le langage laisse à nu, comme ça, des espaces où le corps et où la déchéance, la lente mort du corps suffit bien à faire mélancolie. Dans ces vies, comme je dis, qui n'habitent pas leur vie, mais qui se la laissent vivre et partir sur le mode d'une lente déperdition. Très légèrement ironique, fondamentalement détaché, et très souvent accompagnant des processus contre lesquels les gens ne se soignent pas, on n'éprouve pas le besoin de se... Abraham, Freud, Mélanie Klein et Lacan, donc, pour prendre cette série, là, je pense que c'est intéressant de les lire en essayant de mesurer ce que je vous indique là, c'est-à-dire... le fait que tous maintiennent la cohésion intrinsèque ou fondamentale de la mélancolie et du deuil, de deuil et mélancolie, c'est toujours deuil et mélancolie, avec la question de la manie et celle de l'angoisse, pour compliquer le tableau. Et pourtant, les transformations que Freud impose à Abraham, celles que Mélanie Klein impose à Freud, celles que Lacan impose à Freud et à Mélanie Klein, me semble à plein d'endroits porter témoignage du fait que quelque chose s'est rompu de l'attache entre le deuil et la mélancolie, et que ça rend pensable d'autres formes de mort psychique comme dans la mélancolie. Et le travail que j'ai fait, après il y en a une version qui est publiée en ligne, c'est donc ce que j'avais lu devant des collègues, des amis psychiatres américains, là, dont Jérôme Wakefield et un certain nombre d'autres personnes. Je voudrais ce soir, parce que vous n'êtes pas philosophe, vous n'êtes pas psychiatre, c'est pas l'objet, de faire entendre ces notes un peu plus graves qu'il y a dans ce que j'aborde. Ces notes plus graves qui sont celles, au fond, que seuls les psychanalystes peuvent faire entendre, hein, dans la mesure où, si on n'est pas psychanalyste, on n'a aucune idée de ce que peut être la pulsion de mort. Voilà. Et que on peut rationaliser des tas de choses, hein, on peut montrer qu'il y a des tas de passionnantes dans le deuil, la perte, le rapport intentionnel, l'objet, mais la dimension de la pulsion de mort, ça c'est quelque chose qui est tout à fait autre. Alors je vais commencer par Abraham, et notamment avec le texte de 1912, puisque c'est avant Freud, hein, qui sont donc les préliminaires à l'investigation et au traitement psychanalytique de la folie maniaco-dépressive et des états voisins, dont Lacan s'est inspiré du titre pour les fameux préliminaires au traitement possible de la psychose, enfin, un classique de la psychanalyse de 1912, qui lui-même nous renvoie à Schreber, par un de ces petits fils que je ferai valoir cette année autour du cas de Schreber. Alors, le cadre dans lequel Abraham construit les choses est très simple, c'est que non seulement vous avez l'idée que la manie ne se comprend qu'à partir du deuil, pardon, que la mélancolie ne se comprend qu'à partir du deuil, mais comme, justement, ce deuil est une perte d'un objet, la perte catastrophique de l'objet, la perte ultra-pathologique de l'objet dans la mélancolie, permet de connecter d'une manière absolument essentielle la mélancolie à la manie. La manie étant un moyen symétrique et inverse dans cet imaginaire lié à la connexion deuil-mélancolie, de regagner sur un mode délirant l'objet perdu de manière délirante dans la mélancolie. Et la connexion ainsi, je crois, est extrêmement forte. C'est que c'est seulement à l'intérieur du paradigme d'intelligibilité deuil-mélancolie, rapporter la perte de l'objet, que vous pouvez penser le couplage mélancolie-manie et la PMD. Alors avec évidemment ce mystère qu'aucune théorie psychanalytique construite sur ce modèle ne peut par définition expliquer, c'est pourquoi il y a des manies pures, pourquoi il y a des mélancolies pures. Parce qu'il devrait, logiquement, le format général logique de la chose, c'est qu'il devrait y avoir toujours, dans cette théorie de la perte et du manque, placée dans l'intelligibilité de la mélancolie, si je perds d'un côté, je peux regagner de manière délirante, je peux regagner, etc. Et pourquoi certains mélancoliques ne font jamais d'accès maniaque ? Bon. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué, parce que ça a toujours été un problème, y compris dans les DSM, d'établir s'il y a des, comme on dit, des troubles unipolaires de type 1, c'est-à-dire des manies pures. Parce que phénoménologiquement, ce qu'on appelle la manie pure, quand la manie s'arrête, tous les psychiatres qui ont fait de l'épidémiologie purement descriptive, etc., disent oui, mais quand ça s'arrête, est-ce qu'on ne pourrait pas dire au fond que c'est parce que le patient déprime un peu, quoi, que ça s'arrête et que donc, en fait, il n'y aurait pas de manie pure, hein, mais il y aurait toujours une manie qui ne s'arrête que s'il y a quelque chose de déprimant qui se manifeste. Et phénoménologiquement, c'est très sensible. En revanche, le trouble unipolaire de type 2, c'est-à-dire vraiment la pure dépression, on n'a pas vraiment l'impression que les gens reviennent à un état normal sans du tout s'exciter. C'est pas du tout la même chose quand vous descendez d'un état d'élation, on a l'impression qu'il y a toujours une dimension dépressive qui y est cachée. Et donc c'est un problème très intéressant, parce que la psychose maniaco-dépressive me semble totalement prise dans son mode de construction, dans la logique de la référence au deuil comme perte, ce qui fait que, du coup, c'est dans son régime énonciatif propre, hein, est toujours, dans une certaine mesure, sacrifié, rendu méconnaissable, ou bien l'objet de plaques dessus, des choses un peu différentes. Ça veut dire donc aussi que lorsque je parlais, moi, tout à l'heure, d'une mélancolie sans deuil, je crois que la question similaire, je ne l'aborderai pas, je ne sais pas du tout dire comment l'aborder d'ailleurs, mais d'une manie qui ne serait pas la compensation d'une perte, un festin pulsionnel, des choses comme ça, se pose tout autant. D'autant que on sait bien qu'il y a par exemple des notes particulières, ce qu'on trouve les troubles schizoaffectifs, hein, dans les troubles schizoaffectifs qui sont considérés en général par nos collègues férus de psychiatrie traditionnelle comme des contresens cliniques, l'incompréhension du fait que c'est des décompensations de deuil ou des mélancolies ou des manies, etc. Il se pourrait qu'en réalité, nos collègues aient totalement tort. Les Américains qui voient ça, ils voient bien quelque chose. Il se pourrait bien justement que ce soit nos modes d'historicisation des délires maniaques qui deviennent complètement inopérants devant certaines formes de manie que nous avons aujourd'hui, qui sont beaucoup moins oniroïdes, beaucoup moins narratives, beaucoup moins animées par l'idée qu'il y a un objet ou quelque chose, un dommage, une cause qui a été portée, etc., qui sont beaucoup moins portées par le discours de la plainte, tout simplement parce que la culture fait peut-être à certains endroits des sociétés moins place à ce type de choses. Ce qui veut dire que l'objet qui se déchaîne dans certaines de ces manies schizoaffectives, ces troubles schizoaffectifs, c'est un objet qui ne tient à rien, hein, qui n'est pas l'objet qui vient indiquer en place un manque. Donc, au lieu de se moquer de la clinique pauvre des cliniciens du DSM, on pourrait se demander si c'est pas l'excès de richesse et la densité imaginaire du schéma du deuil qui guide la compréhension des phénomènes maniaco-dépressifs en psychanalyse, qui nous empêche de voir que c'est pas le clinicien qui est pauvre, c'est que la nature même des faits psychiques qui sont en cause est différente, parce que ces états du corps et ces états de l'affect ne se logent plus de la même manière à l'intérieur du dispositif social et culturel. Alors, la thèse d'Abraham, auquel je vais maintenant me consacrer, qui est la thèse en quelque sorte fondatrice de l'histoire qui est la thèse fondatrice de la psychanalyse et de la psychanalyse classique, hein, c'est un mécanisme emprunté à Schreber. Le mélancolique ne peut pas refouler ses pulsions agressives, ne pouvant pas les refouler, il les projette, mais au lieu de se fixer au dehors comme dans la mélancolie, n'est-ce pas, où vous vous trouvez confronté à toutes sortes de persécuteurs, comme dans la paranoïa, où vous trouvez confronté à toutes sortes de persécuteurs, elles font retour sur lui. Ce qui aboutit à décrire la mélancolie délirante en privilégiant un paradigme bien particulier, c'est la mélancolie auto-accusatrice délirante, qui est carrément une sorte d'auto-persécution dans laquelle le patient s'accuse de quelque chose que l'interprétation psychanalytique peut détecter, qui est l'hétéro-accusation, l'accusation qui a été lancée contre quelqu'un d'autre qui, ne pouvant pas être foulé, a été projeté et revient du dehors. Et alors, pourquoi le modèle en est Schreber, hein, je vous rappelle dans ses remarques psychanalytiques sur l'autobiographie d'un cas de paranoïa, Freud apporte une formulation de la psychogenèse de la paranoïa. En quelques brèves formules, il précise les stades parcourus jusqu'à la formation du délire paranoïaque. Et je m'appuie là-dessus pour formuler les miennes. Pour la plupart des cas de délire paranoïaque, Freud considère que le noyau du conflit est le fantasme réalisant le désir homosexuel d'aimer un individu de même sexe. Formule, moi, un homme, je l'aime, lui, un homme. le délire de persécution, contredit cette position en clamant « je ne l'aime pas, car je le déteste ». Comme la perception interne est remplacée par une perception externe dans la paranoïa, c'est ce qu'on appelle la projection, la haine est ressentie comme la conséquence de l'hostilité subie. La troisième formule est la suivante, « je ne l'aime pas, je le déteste, car il me persécute ». Dans les psychoses que nous envisageons ici, les PMD, il tire son origine d'une disposition hostile excessive de la libido, c'est pas l'homosexualité, c'est la disposition hostile. Cette haine concerne d'abord les plus proches parents, puis elle se généralise, elle peut s'exprimer comme suit. Je ne peux pas aimer les autres, je suis obligé de les détester. De cette perception intime déplaisante naissent les sentiments d'insuffisance si graves de ces patients, etc. Lorsque le contenu de cette perception est refoulé et projeté au dehors, le sujet en arrive à se croire non pas aimé, mais détesté par son entourage. Donc, et nous arrivons à la deuxième formule, les autres ne m'aiment pas, ils me détestent, car je suis marqué par des insuffisances innées, c'est pourquoi je suis malheureux et déprimé. Donc, le fond, alors, cette haine est particulière, la haine dans la mélancolie, c'est une haine qui s'appelle l'ambivalence, puisque l'objet haï a d'abord été aimé. La condition du délire mélancolique chez Abraham en 1912 et chez Freud en 1915, c'est l'ambivalence. Donc, comme vous verrez, c'est l'idée que réfute très simplement Mélanie Klein. Le sujet s'auto-punit parce qu'il est l'objet aimé et parce qu'il se découvre incapable de traiter l'ambivalence par refoulement. Et se haïssant de haïr, si j'ose dire, il projette au dehors sa haine. Alors, chez Abraham, il y a donc deux processus bien distincts dont l'intentionnalité doit vous apparaître construite de manière assez précise. Il y a d'abord quelque chose de sémantique, ensuite quelque chose de syntaxique. Quelque chose de sémantique, c'est que l'amour se change en haine. Ça, c'est le contenu de sens des projections. Mais la deuxième chose, c'est que ce contenu de sens des projections n'est possible qu'à l'intérieur d'une transformation grammaticale. Le modèle de Schreber, permutation du sujet et de l'objet, changement de sens de la valence sémantique du verbe, qui contient, n'est-ce pas, l'opération fondamentale de la projection dans son repérage syntaxique, c'est que le « je t'aime » se transforme en « je te hais », le « je te hais » en « tu me hais » et le « tu me hais » en « je me sens haï », sans valeur, etc., etc. Autrement dit, la grande chose importante, c'est que ce n'est pas une transformation confuse de l'amour en haine. C'est un processus articulé qui sélectionne avec précision, avec une précision qui est celle même du langage, les objets et les sujets de ce processus, qui peuvent être nommés, qui peuvent être indexés dans la réalité. Et c'est la raison pour laquelle le sujet ne sait que trop ce qu'il n'aurait pas fallu éprouver. Ce qui rend le cas. Ce n'est pas un trouble de l'humeur. C'est quelque chose où le sujet ne sait que trop quelle est la personne qui l'accuse et qu'il peut la nommer et que, justement, ne pouvant pas supporter cette chose-là, il projette, etc. Il y a une désignation extrêmement précise des cibles et du sujet et des objets du processus de transformation de l'amour dans la haine. Et c'est bien pourquoi, du coup, l'auto-reproche n'est pas le vague sentiment confus qu'on m'en veut, n'est-ce pas ? C'est bien au contraire, j'aurais des insuffisances innées, comme ça, c'est que ça va au plus intime de mes intentions. C'est-à-dire que dans la mélancolie, ce sont les fautes les plus secrètes, les plus poignantes, les plus exactes, les plus précises dont le sujet puisse s'accuser, qui font le texte même de du délire d'auto-accusation. C'est pas lui comme ça, c'est pas moi. Non, c'est telle chose que j'ai faite à tel moment en pensant tel truc qui se retrouve du dehors visé par un sentiment, enfin du dehors intériorisé, bien sûr, dans l'auto-reproche. Autrement dit, l'auto-reproche, il a ceci de profondément intentionnel, c'est qu'il ne rate pas le sujet. Il va à la fois au pire et au plus vrai. Cette intentionnalité se déploie bien évidemment sur le fond d'une dynamique naturelle de l'affect, dont il ne faut pas négliger l'enracinement social, culturel, etc. C'est extrêmement banal, l'inversion de la colère en tristesse, et elle est, comme vous savez, fortement dépendante des statuts. Alors c'est un truc que connaissent bien les psychiatres d'enfants, hein, ou les psy d'enfants, la colère d'un enfant est un critère de son état dépressif, par exemple. Bon. La tristesse d'un enfant peut être aussi une manifestation de colère qu'il ne peut pas sortir. Quelque chose dans la colère qui est une tristesse rentrée, il y a plein de langues d'ailleurs, le latin, hein, tristitia, c'est quelque chose qui a un sous-entendu sémantique beaucoup plus fort de colère, de rancœur, de récrimination, la tristitia, que la traduction par tristesse en français, par exemple. Bon. Et souvent dans les langues proches, je prenais l'exemple de l'anglais, grief en anglais, hein, ça fait grief, hein, en chagrin en anglais. Mais même en anglais contemporain, il y en a justement au colloque Wakefield, un anglais m'a dit qu'à Londres, justement, en parler populaire, don't do me grief, ça veut dire m'emmerde pas, ça veut dire me fais pas du chagrin, ça ne veut pas dire me fais pas de chagrin, don't do me grief, ça veut dire m'emmerde pas. C'est-à-dire que même le grief ici, vous voyez, est entendu sur le mode de faire de la peine, hein, et donc d'être agressif. Donc la colère et la tristesse, comme ça, sont pris dans une sorte de labilité extrêmement forte. La colère, c'est de la tristesse dehors, et la tristesse, c'est de la colère dedans, quoi. C'est de la colère rentrée. Bien. N'oubliez pas aussi les conditions culturelles très très fortes, et hiérarchiques, et statutaires. Enfin, il y a des tas de gens, ils ne peuvent pas se mettre en colère. Par exemple, les femmes des patients maghrébins ne peuvent pas se mettre en colère, donc elles font des dépressions. Hein. Ce qu'on appelle des... Voilà. Tout le monde n'a pas également le droit de manifester sa colère, ce qui fait qu'il y a des phénomènes statutaires qui sont bien connus. Donc ça, c'est tout ce fond dynamique comme ça qui est extrêmement important à mesurer, parce qu'il est souvent peu pénétrable quand nous lisons des récits de deuil, de chagrin, etc., dans des cultures éloignées, dans des époques historiques éloignées, ou même dans des provinces éloignées, si on n'a pas une notion bien précise de ce qui est possible statutairement dans l'expression des affects pour affecter autrui. Tout le monde n'a pas le droit d'affecter autrui de n'importe quelle manière, et certainement pas en franchissant n'importe quel statut. Je voudrais ici faire une transition importante sur ce que j'appelle l'intentionnalité de l'affect. L'intentionnalité, notamment l'affect de perte. Parce que l'intentionnalité, elle est, quand vous lisez les bouquins en général de philosophie ou de sciences cognitives, son modèle, c'est une intentionnalité épistémique. C'est-à-dire le rapport, par exemple, de la croyance à l'état du monde, le rapport du mot ou de la phrase à l'état des choses, par exemple. Et que, effectivement, en ce sens-là, l'objet, l'état du monde, la chose dont on parle, précède la visée intentionnelle qu'on a vers lui. Bon. Il y a uniquement dans une version très particulière de l'intentionnalité, qui est l'idéalisme husserlien, où la visée cognitive semble, à certains égards, précéder l'objet et constituer l'objet, constituer le sens de l'objet, constituer la réalité du monde. Hein, le jeu husserlien semble être le foyer, en quelque sorte, d'où, par une sorte d'irradiation ultime et radicale, à partir duquel se donne la totalité du monde phénoménal. Ce qui donne, dans les traditions phénoménologiques de l'intentionnalité, les traditions très idéalistes comme celle de Husserl, l'impression que l'intentionnalité crée l'objet même auquel elle se rapporte. Que c'est parce qu'il y a une visée intentionnelle d'un objet que cet objet se trouve doté de sens. Et bien évidemment, c'est très très difficile à loger dans l'explication du langage ordinaire, hein, qui est évidemment discrédité comme attitude naturelle par l'attitude de l'idéalisme phénoménologique, parce que croire ne crée pas l'objet de la croyance. Croire, c'est croire quelque chose de vrai. Croire, c'est toujours croire vrai. c'est für wahrhalten, comme tenir pour vrai, comme dit Kant. Et que tenir pour vrai, c'est nécessairement avoir égard à l'antécédence de l'objet sur la visée intentionnelle. Essayez, si vous savez que quelque chose est faux, essayez de croire que c'est vrai. Essayez d'y croire. C'est pas possible. Si vous savez que c'est faux, vous ne pouvez pas y croire. Ce qui montre bien que le vrai, l'objectivement vrai, est la condition logique de sens de l'opération psychologique de croyance. Il n'en est pas du tout... Alors bon, je fais cette parenthèse comme ça, mais vous savez que dans la psychologie cognitiviste, le problème de l'hallucination est là. C'est comment est-ce qu'on peut croire quelque chose dont on peut savoir par ailleurs que c'est faux ? C'est quoi la nature de l'état mental de quelqu'un qui croit quelque chose dont il est capable par ailleurs de savoir que c'est faux ? C'est donc par là que le mécanisme cognitif de la croyance serait perturbé, etc. L'intentionnalité dont je parle ici n'est pas une intentionnalité cognitive, c'est l'intentionnalité affective. Elle ne consiste pas à tenir pour vrai, mais elle consiste à tenir pour bon, ou pour haïssable, ou pour désirable, ou pour charmant, ou pour délicieux, voilà, tout ce que vous voulez. Et cette fois, en ce sens-là, l'intentionnalité est créatrice par rapport à l'objet. L'intentionnalité affective, elle, est créatrice par rapport à l'objet. Pourquoi ? Parce que si vous cherchez quelqu'un, si quelqu'un désire vraiment quelque chose, vous ne regardez pas la chose, vous regardez la personne. Si vous cherchez à savoir si quelqu'un croit vraiment quelque chose, vous regardez la chose, vous ne regardez pas la personne. Vous voyez ? C'est que pour savoir si quelqu'un a un rapport... S'il tient pour vrai quelque chose, c'est pas en examinant son état que vous allez avoir une information, c'est en regardant la chose. Si vous voulez dire que quelqu'un apprécie quelque chose, ben il faut que évidemment, la manière dont il vise la chose trahisse qu'il la tient pour bien, qu'il la tient pour bonne. Enfin, c'est le vieil adage spinoziste, n'est-ce pas, que c'est le désir qui crée le bien, hein, et non le bien... le désirable qui crée le désir. C'est évidemment la raison pour laquelle il n'y a pas de désirable en soi. Hein, selon, il n'y a pas de désirable universel. Il faut regarder comment ça se construit. Alors, on croit. Si on veut savoir si quelqu'un croit quelque chose, on regarde l'objet pour voir s'il est croyable. Mais si vous cherchez à savoir si quelqu'un désire quelque chose, vous pouvez regarder l'objet aussi longtemps. Il n'y a aucun moyen de savoir s'il est désirable, sauf à regarder comment la personne le regarde. Ça, c'est là où la chose s'est d'aller. Et donc, tenir pour bon a un rapport d'institution, de création, à l'égard de l'objet. C'est la grande différence qui est... Descombes ne s'intéresse pas... critique l'idéalisme phénoménologique en insistant sur le fait que l'objet de la croyance précède la croyance, mais il n'importe pas cette question, l'autre intentionnalité qui est celle du désir, hein, des intentions affectives. Il y a des points très intéressants, c'est que le type d'attitude que nous à la fois épistémique et affective que nous avons à l'égard des objets dans la psychanalyse est très facile à décrire. C'est ce que j'appelle, moi, le désirer croire. Quand vous examinez quelqu'un en analyse, ça, vous ne vous intéressez pas à ce qu'il croit, hein, vous vous intéressez à ce qu'il désire croire. C'est comme ça qu'on comprend les rêves. Quand vous avez un énoncé de rêve, à aucun moment vous ne prenez le type qui vous dit « j'ai vu ma mère en rêve » comme quelqu'un qui est en train de décrire un spectacle cognitif. N'est-ce pas ? Par définition, vous vous intéressez à l'affect dans lequel il est, ou ce qui l'affecte suffisamment pour qu'il croit avoir vu en rêve telle et telle chose. Et dans le désir et croire, il y a un primat, évidemment, de l'affectif sur le cognitif. C'est très très clair chez Freud. Et donc, si on ne peut pas croire en quelque chose parce que c'est faux ou parce que ça n'existe pas, mais c'est pas un problème en psychanalyse. Si vous pouvez pas y croire alors que vous le désirez, eh ben vous l'hallucinez. Hein, il n'y a aucun problème. Et c'est pas du tout un truc étrange, etc. Mais c'est que si ça n'existe pas mais que j'en ai envie, et même si je sais que ça n'existe pas, mais alors je l'hallucine. Hein, voilà. Et l'hallucination, surtout dans sa version freudienne dans la trame d'Oitum, par exemple dans l'hallucination onirique, dans le fantasme de souhait, etc. C'est un désirer croire, c'est le primat du désir, de l'attitude de désir sur l'attitude de croyance. Donc, le pas que franchit Freud dans cet esprit-là, c'est que ce qui est décisif dans la psychanalyse, c'est bien sûr que vous ne créez pas cette hallucinée à partir de rien. Il rend hommage à Rank de l'avoir signalé. Ce avec quoi vous hallucinez ce qui n'existe pas, mais que vous désirez croire que ça existe, par exemple, votre enfant mort, eh bien c'est vous. C'est le sujet affectif qui fournit la substance même de ce avec quoi est fait l'objet halluciné dont on désire croire en la présence, alors qu'on sait très bien, par ailleurs, qu'il est mort. Comme dans le rêve, par exemple, de « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» ou des choses de ce genre. Et donc, un point qui est absolument essentiel pour appréhender les hallucinations des endeuillés, c'est qu'on prête à l'objet halluciné les mêmes qualités qu'on se prête à soi-même. La sensibilité, par exemple, de l'enfant mort qui est halluciné, ou du bébé mort qu'hallucine une maman dans une maternité, et comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études, les infirmières le voient tout de suite, le bébé, on lui prête des... Même si la maman l'a tenu dans les bras suffisamment longtemps pour voir à peu près ce que c'est un bébé, si c'est un part, elle lui prête des sensations, des mouvements et des sensibilités qui ne sont absolument rien d'autre, sur un mode hallucinatoire et impossible à reconnaître, que les propres, la propre matière de la sensibilité, de la sensation de douleur, du rapport au chaud et au froid, de la consistance de la peau, qui sont celles de la mère elle-même. Exemple évidemment tout à fait spectaculaire. Et donc, ce qui est fait chez Freud par rapport au texte d'Abraham, dans Deuil et mélancolie, c'est d'incorporer cette dimension, cet approfondissement de l'analyse de la projection, qui va plus loin que ce que Abraham avait pris dans le Cachreder. C'est que pour ne pas perdre l'objet aimé, le pas suivant qui est fourni par Freud par rapport à Abraham, pour ne pas perdre l'objet aimé, eh ben, c'est pas compliqué, on le devient. On le devient pour le garder en soi, dans une identification silencieuse, qui est une absorption inconsciente, qui érige à l'intérieur du moi un idéal dont le sujet ne sait rien. L'idéal, il est inconscient. C'est justement des trucs les plus bizarres, je crois, de la psychanalyse, que l'idéal soit inconscient. Donc, c'est pas l'idéalisation, c'est quelque chose de tout à fait différent. Il est érigé à l'intérieur du moi. Et on le devient pour ne pas perdre l'objet aimé. Mais alors, c'est ça la subtilité du raisonnement de Freud, c'est que si pour ne pas perdre l'objet aimé perdu, vous le devenez pour le garder en vous-même, vous risquez de vous perdre vous-même dans l'objet perdu, dans l'amour pour lui. Le même mécanisme d'identification à l'objet perdu risque de vous identifier à la perte de l'objet. De faire que votre propre moi se perd dans l'identification à l'objet perdu. Non. Avec, du coup, une difficulté pour Freud qui est poussée sous le tapis, si vous relisez avec ce que je vous raconte en tête, c'est pourquoi tout le monde n'est pas mélancolique quand il perd quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que tout le monde n'est pas mélancolique? Alors, la réponse de Freud, ça consiste à recycler d'une autre manière l'argument de l'ambivalence d'Abraham. Ça consiste à dire, ah oui, mais attention, il y a une différence fondamentale, c'est seulement les mélancoliques qui sont ambivalents. Il n'y a que les mélancoliques, paraît-il, qui aiment et détestent et haïssent l'objet qu'ils ont perdu d'une manière ou d'une autre, lui font des reproches, etc. Les gens normaux, c'est bien connu, n'ont aucun rapport ambivalent à l'objet qu'ils ont perdu. Deuxième argument totalement farfelu que vous trouvez dans Deuil et mélancolie, les gens normaux, quand ils perdent, quand on sait qu'ils ont perdu. Tandis que les mélancoliques, on ne comprend pas du tout. Comme s'il n'y avait pas des gens qui font des deuils tout à fait normaux et on ne sait pas très bien exactement ce qu'ils ont perdu. Et comme s'il n'y avait pas des mélancoliques dont on sait très bien que c'est parce qu'ils ont perdu leur femme ou leur bébé qu'ils font une dépression mélancolique gravissime. L'idée que dans la mélancolie, la perte de l'objet serait plus obscure que dans le deuil normal est évidemment complètement aberrante. Mais elle est affirmée comme ça par Freud parce que justement, si vous réfléchissez bien à la logique de la projection qu'il met en place, on ne voit pas pourquoi, à tout moment, ça ne se renverserait pas dans le contraire. Bon. Et puis ça lui permet aussi, hein, cette logique-là, de maintenir le lien fondamental qui est extrêmement important à l'époque entre mélancolie et manie. Alors du coup, vous voyez, il reprend également, chez Abraham, l'idée que de toute cette pâte cauchemardesque de l'absorption et de l'expulsion de l'objet qu'on dévore, qu'on excrète, etc., qui est la pâte à l'intérieur duquel s'exprime cette intentionnalité affective, ne plus penser qu'aux morts dans un deuil dévorant, jusqu'à se retrouver soi-même comme le déchet, hein, que quand le mort a absorbé au fond toute votre propre substance vivante, ce qui est le parcours du cannibalisme abrahamien de la mélancolie, finalement vous restez, comme dit Sébastien Smirou, là, dont je lirai un passage tout à l'heure, un os, le petit truc quand on a bouffé tout le morceau du boulet reste, juste voilà, l'os rongé. Donc dans Deuil et mélancolie, Freud accepte l'idée de projection faite par Abraham, notamment la projection de l'ombre, hein, l'ombre de l'objet qui tombe sur le moi, et donc du coup c'est le surmoi qui devient le juge du moi mis en position d'objet. Il raffine cette théorie de la projection en distinguant le deuil normal de la mélancolie, en disant qu'il y a l'ambivalence et la cause obscure dans la mélancolie. Ce qui fait que dans le deuil normal, ça se termine par la guérison et dans la mélancolie par un délire. Mais il y ajoute, au nom de la théorie de l'identification qu'il forge, la théorie de l'identification narcissique, cette idée que le mélancolique se perd dans son objet perdu, hein, et qu'il accompagne son objet perdu, il meurt avec son mort, au lieu de vivre avec sa perte. Comme selon la formule que j'avais employée la dernière fois. Et donc, ça commence la mélancolie comme dans un deuil normal par une identification, mais l'identification absorbe le moi, alors même que c'est une identification à un objet à la fois aimé et haï. Du coup, alors c'est tout lié, je simplifie les choses, mais c'est lié à ce qui peut se passer comme étape intermédiaire entre le deuil normal et la mélancolie, c'est la névrose obsessionnelle, le surmoi. Le surmoi, vous savez, dans la névrose obsessionnelle, critique les relations du sujet à l'objet. Tu ne devrais pas avoir envie de ça. C'est ça, la névrose obsessionnelle, tu devrais... Ça t'est interdit. Cet objet t'est interdit. Évidemment, le surmoi se déchaîne, on fait observer... Abraham, lorsque le surmoi ne critique plus les relations du sujet à l'objet, mais critique l'identification du sujet à l'objet. C'est qu'il finit de nul le déchet. Et il exige alors, comme vous savez, la mort de ce sujet. Il y a deux détails dans James qui montrent à quel point tout ceci appartient à une constellation de représentations qui sont inscrites dans la langue que le génie de James attrape, et qui sont tout à fait, à mon avis, fondamentales. C'est la manière, par exemple, dont Acton Hague est décrit, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, et plein de choses, comme dans le style de la mémoire propre à Stransom, comme un ami irremplaçable. Autrement dit, une fois qu'il est mort, le fait qu'il soit irremplaçable, c'est qu'il ne reste plus que le lieu vide qu'il occupait. Comme une sorte de niche psychique, n'est-ce pas, dans laquelle il y a le trou, le pur trou, et que ce qui vaut comme présence de l'ami, c'est la niche anamnésique à l'intérieur de laquelle il est installé. Et en fait, dans plein de passages, vous remarquerez la description du type de mémoire propre à Stransom généralise ce schéma. Tous les objets aimés de Stransom remplissent la place de leur propre vide, en quelque sorte. D'une manière extrêmement adéquate, n'est-ce pas ? Comme si c'était juste un truc parfaitement découpé tout autour d'eux. Autrement dit, ils n'existent pas par eux-mêmes, ils saturent le manque qu'ils masquent. Chose extrêmement étrange, qui fait que lorsqu'ils tombent, le manque qu'ils masquent apparaît de manière entièrement nue. C'est une chose très intéressante parce que dans Louis Sass, repère très très bien ce phénomène chez Schreber. Il le rapporte de manière extrêmement fine à l'analyse du sentiment de particularité qu'ont les objets. C'est tout particulier, parce que l'effet de particularité chez le schizophrène, ma montre, c'est quelque chose d'étonnant, ma montre, parce qu'elle est ma montre. Et il rapporte ça à une analyse de Wittgenstein très intéressante, des gens qui s'émerveillent devant le sentiment de particularité du particulier. À quel point c'est vrai que là, c'est fascinant que un objet existe plutôt qu'un autre, ou plutôt que n'importe quel autre objet, ce qui fait sa singularité. Et Wittgenstein rapporte ça à l'expérience très particulière de juger qu'au fond, les objets occupent le vide qui correspond très exactement à la place qui leur était réservée. Comme si le fait qu'ils existent exactement là, exactement à ce moment, exactement de cette manière, était un miracle. Comme s'ils étaient totalement, en quelque sorte, en tant que particuliers, ajustés à leur propre existence particulière. Je crois que ce trait que repère très bien Louis Sass dans certains délires de Schreber et qu'il rapporte à juste titre à Wittgenstein, est un trait éminemment mélancolique. Ce rapport très pur, comme ça, au fait que c'est le monde est merveilleux, vous dit un mélancolique extatique. Non, mais l'extase est une dimension très importante de la mélancolie, le ravissement devant le fait que les choses soient comme... Tout tombe juste, n'est-ce pas ? Le fait que la montre soit là, que vous soyez là, exactement là, comme vous êtes, n'est-ce pas ? Comme si une sorte de coïncidence extraordinaire faisait que vous saturiez pleinement, en le recouvrant à la perfection, le vide ontologique dans lequel vous êtes exactement logé. Chacun d'entre vous. Dans cet espace-là. Et vous voyez ainsi la puissance de l'image de l'autel des morts avec les cierges, c'est pas un qui est dans lequel chaque cierge, finalement, allumé, brûle au lieu même où il représente, incarne et figure quelque chose qui est non pas un symbole, mais la présentification absolue de celui qui n'est pas mort tant que le cierge brûle. Donc cette espèce de nuance dans lequel l'univers mélancolique, parfois de manière très subtile, je crois, présente les choses, me paraît tout à fait fascinante. Et donc, la nièce, quand elle vise un cierge spécifique au centre de l'autel des morts, celui qui compterait pour Acton Hag, qui est son amour perdu à elle, est en train d'indiquer un lieu de symbolisation, là où justement, il n'y a rien. On ne peut pas allumer un cierge pour Acton Hag dans l'hôtel des morts tel que le pense, le conçoit Stransom. Et si on l'allume, alors celui qui l'allume meurt. C'est pas Stransom, c'est pas Acton Hag dont on allume le cierge. C'est Stransom à la fin de la pièce. Et donc, quand il l'allume, vous vous rappelez, pour l'une... pour la nièce, c'est l'acceptation de la perte, mais pour l'autre, c'est le moment de tout abandonner, y compris soi-même. C'est son propre cierge qui est allumé. Alors, Mélanie Klein a tout de suite vu que ce truc de deuil et mélancolie ne tient absolument pas la route pour des raisons de bon sens, pour des raisons d'évidence, que c'est intenable de tenir une position pareille. Tout simplement parce que, comme nous savons tous, l'ambivalence existe aussi bien dans le deuil normal que dans le deuil pathologique. C'est pas parce que vous êtes ambivalent que vous allez devenir mélancolique. Bon, qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Deuxième chose, c'est que c'est l'évidence, hein, c'est dans les deux textes, un texte de 34, hein, donc les contributions à la psychogénèse des états maniaco-dépressifs, et puis un texte de 40, hein, qui s'appelle le deuil dans ses rapports avec les états maniaco-dépressifs, où elle fait comme ça un grand décrassage des approximations freudiennes de deuil et mélancolie. En revenant sur ces points cliniques élémentaires. Et le deuxième point clinique, c'est qu'il n'est pas vrai du tout que le mélancolique aurait systématiquement des causes de deuil pathologiques plus mystérieuses. Non. Parfois, c'est vrai. Mais parfois aussi, on ne comprend pas pourquoi des gens qui ont perdu l'arrière-cousin, etc., se mettent à décompenser complètement incroyablement et en fait à faire un deuil qui va être peut-être plus long et plus complexe, mais qui ne va pas se terminer par un délire mélancolique. Alors que l'objet perdu est extrêmement loin et est incompréhensible. Ça, c'est, je dirais, le nettoyage clinique qu'opère Mélanie Klein dans la deuxième partie des années 30. Bon. Dans le même moment, alors, notamment dans ses textes, mais aussi dans les textes contemporains, Mélanie Klein fait une remarque qui est également une remarque de bon sens. C'est que Freud considère que l'identification narcissique est au fond une identification létale. C'est-à-dire, c'est mortel d'incorporer l'objet perdu en soi à cause de cette double face de l'identification au mort qui pourrait dévorer le vivant de l'intérieur. Et ce que dit Mélanie Klein, c'est que bien au contraire, il y a une forme normale de l'identification narcissique à l'objet perdu. Autrement dit, tout moi, hein, c'est l'ambiguïté du ego ou du self chez Mélanie Klein, tout moi, et pas simplement le moi délirant, est le résultat de l'absorption et de l'identification de ce qu'il a dû perdre. Sinon, on ne voit pas très bien ce que signifie le déclin du complexe d'Œdipe, si ça ne consiste pas justement à s'identifier narcissiquement aux imagos fondamentales de ce que, précisément, on a dû perdre. À un moment, il y a quelque chose qui ne va pas dans une sorte de vision péjorative de l'identification narcissique dans deuil et mélancolie. Et donc, la régression du mélancolique, qui est complètement présentée comme pathologique dans la régression narcissique du mélancolique dans deuil et mélancolie, pourrait bien être, au contraire, le mécanisme normal et universel de l'érection des idéaux inconscients, et notamment de la constitution des imagos parentales dans leur fonction surmoïque, chez tout le monde. Alors, ça, c'est une observation que je crois extrêmement profonde, parce qu'elle déplace, du coup, elle permet vraiment de poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que certains vont devenir mélancoliques. On ne peut plus, voyez, immuniser en quelque sorte le deuil normal de son potentiel devenir mélancolique, et donc on est obligé de donner un autre critère au devenir mélancolique, qui va être un critère évidemment économique, chez Mélanie Klein. Mais il n'y a pas simplement cette réhabilitation, je crois, de l'identification narcissique. Dans les deux textes que j'ai cités, là, des textes de la deuxième moitié des années 30, il y a un autre truc qui est très frappant, c'est qu'au-delà de la tristesse, au-delà de la perte de soi dans l'idéalisation, elle repère admirablement que l'objet perdu cause de l'angoisse. Si vous réfléchissez un peu, c'est très énigmatique de savoir pourquoi, quand on est en deuil, on a aussi de l'angoisse. C'est pas du tout évident. La tristesse, oui, ça nous paraît assez naturel, mais pourquoi, en plus, quand on est profondément en deuil, on est obligé, à certains moments, de s'apercevoir qu'on est angoissé, et qu'on est angoissé d'une manière obscure, qui ne se présente pas phénoménologiquement comme évidente, à cause de l'absence de celui qu'on a perdu. C'est là où ça devient obscur, par exemple, c'est le cas des mamans qui ont perdu un tout petit enfant. On voit bien pourquoi elles seraient tristes, mais elles ne peuvent pas facilement rationaliser le fait que le bébé qu'elle manque au bébé, par exemple. Pas du tout facile de se représenter parce que le bébé est petit, par exemple. En tout cas, il y a un mystère de l'angoisse dans le deuil qui renvoie finalement à l'appréhension beaucoup plus dramatique et tragique du deuil chez Mélanie Klein, qui écrit après la mise en place de la théorie de la pulsion de mort. C'est les années 30. À partir du moment où vous êtes dans un monde où la pulsion de mort, et Mélanie Klein insiste, moi, la pulsion de mort, elle le dit à tout le monde, elle le dit à Fénichet, elle dit, ah, moi j'y crois totalement, je vois très bien, je l'accepte totalement. Et je l'accepte notamment à travers cette idée que la pulsion de mort, c'est ce contre quoi la pulsion de vie se construit, et que le chaos originaire, les angoisses les plus épouvantables, c'est ce qu'il faut lier. Or, comment est-ce que l'angoisse est originairement liée chez Mélanie Klein? Par l'invention du surmoi. Par l'invention, non seulement précoce, mais précocissime du surmoi, qui est une manière originaire de lier cette angoisse de destruction. C'est-à-dire que le surmoi de la fin des années 20 chez Freud, ce surmoi d'après la pulsion de mort, elle le met à l'origine des choses en disant métapsychologiquement, nous ne pouvons pas faire autrement, comme quand nous sommes analystes, quand nous voyons par exemple la petite Erna, la gamine de 2 ans ou 3 ans, qui a des tocs absolument démentiels, qui va évoluer vers la paranoïa, qui est dans un état de dévastation psychique inouïe. Moi j'en ai rien à faire, dit-elle à Anna Freud, qu'elle n'est pas papa, maman, le surmoi comme déclin du complexe d'Oedipe. Non, là c'est le déchaînement originaire du surmoi chez une gamine qui n'est même pas passée par les stades du développement psychogénétique standard. Elle a 2-3 ans, la petite Erna. Et elle dit, ça c'est un surmoi originaire. Autrement dit, nous avons besoin de l'identification narcissique dans ses formes les plus cruelles. Parce que ces formes les plus cruelles lient déjà l'angoisse originaire, qui est la manifestation psychique de la pulsion de mort. Si bien que le surmoi, hein, de Mélanie Klein, comme vous savez, c'est pas du tout la gentille petite conscience morale devenue psychologique et internalisée de Freud. C'est une espèce de bête sauvage, d'animal atroce, sanguinolent, fait de montage d'objets qui attaquent, qui mordent, qui excrètent, qui font absolument tout ce qu'on veut, et qui est le résultat cumulé de toutes les pertes, séparations et deuils. Et que ce qui se constitue comme surmoi se constitue sur la base de ces pertes, ce sont les « dead » de James, ce sont ceux qu'il appelle les « others ». Ce sont donc des figures internalisées dont la constitution, à mesure que la position dépressive permet de construire, c'est d'internaliser cette violence monstrueuse, peuple ce que Mélanie Klein appelle le monde intérieur. Le monde intérieur de l'enfant, qui commence par internaliser les imagos parentales, et puis qui peuple à l'intérieur de lui-même le psychisme de toutes les figures perdues. Et ce qui est très très beau chez Mélanie Klein, et dont Darian Lieder donne des illustrations cliniques extrêmement sympathiques, ce qui est très beau chez Mélanie Klein, c'est cette idée que lorsque nous sommes en deuil et que nous sommes psychiquement sains, qu'est-ce qui fait que nous sommes psychiquement sains et que nous allons surmonter? C'est que nos morts pleurent avec nous à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, je trouve que c'est une très très belle idée. C'est que lorsque nous perdons un nouvel être, lorsqu'une maman a perdu son bébé, comme j'en avais là le spectacle il y a quelque temps, quand une maman a perdu son bébé, ce qui fait qu'elle ne devient pas folle, c'est qu'elle pleure en convoquant ses morts dans sa tête. Qu'elle convoque son père mort, sa mère morte, qu'elle n'est pas seule à pleurer l'enfant, mais qu'elle pleure le mort avec ceux qui sont déjà morts en elle. Et que nous convoquons pour se pencher sur nous l'image de ceux dont nous avons réussi à faire le deuil et que nous appelons à notre secours. C'est ce qui fait, je crois, le caractère sublime de The Altar of the Dead, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on voit très très bien comment l'un et l'autre appellent leur mort à la rescousse pour les aider à supporter la perte d'Actonag. Et comment même à la fin, quand dans The Descent of Mary Antrim, quand l'épouse morte de Stransom lui apparaît et lui tend la main, hein, le lecteur se dit, voilà, Non, c'est fini. Hein. Ils vont se marier et avoir de nombreux enfants. Quoi. Parce que comment voulez-vous que le mort qui apparaît là, Marianne Treen, ne lui dise pas de vivre ? Et en fait, c'est très exactement le contraire qui se produit. C'est-à-dire comme une sorte d'image inversée de la statue du commandeur, en ne prenant pas la main de Marianne Treen, il meurt. C'est une sorte de mythe de façon inversée. Et donc, faire son deuil, comme vous voyez, chez Mélanie Klein, c'est déjà vachement plus proche de nous que du monde de Freud. Faire son deuil, c'est pas du tout être confronté à ces identifications narcissiques extrêmement létales qui risquent de nous dévorer de l'intérieur. C'est nous appuyer sur ces identifications narcissiques. Et là, déjà, le rapport entre le deuil et la mélancolie a un peu changé, parce que vous voyez, ce sont des modalités de la socialisation et du rapport aux pertes, qui sont à l'histoire de nos pertes, qui sont en jeu. Ce qui veut dire que la problématique du deuil chez Mélanie Klein est déjà moins une problématique de la perte effective de quelqu'un. C'est beaucoup plus une problématique de la recréation permanente d'un monde intérieur. Le véritable horizon de Mélanie Klein, c'est pas la perte des êtres chers, c'est la création artistique. Chez Mélanie Klein, l'artiste, c'est celui qui réussit à fabriquer cet objet extraordinaire qui, comme l'Hôtel des Morts, bien sûr, qui est un monde prothèse, qui est un monde qui permet de faire vivre psychiquement ce qui a été perdu, quelle que soit la nature des pertes. C'est donc pas le deuil freudien, comme dans le deuil freudien, c'est pas un deuil privé. Et c'est parce qu'il n'est pas privé qu'il n'est pas mélancolique. C'est un monde qui est déjà celui des identifications édipiennes. Et là, vous voyez, l'argument de Mélanie Klein pour distinguer la mélancolie du deuil normal, c'est que le deuil devient mélancolique chez Mélanie Klein quand il y a très très peu d'appui dans le monde intérieur. Très très peu d'appui. C'est-à-dire quand en fait l'histoire des pertes, soit c'est toujours la même perte qui se reproduit, ça n'a pas peuplé un monde intérieur, soit ça n'a pas donné toutes les ressources pour constituer un objet artefactuel qui permet de créer un monde psychique interne qui vaut pour les morts, soit, évidemment, comme dans la magnifique nouvelle de Henry James, c'est que cet objet a bien été créé, celui qui permet de maintenir tout en vie. Sauf qu'une demande d'amour vient le détruire, vient demander à cet objet de fonctionner d'une manière dont il ne peut pas fonctionner. C'est d'ailleurs assez souvent comme ça que des gens un peu tristounets, en tombant amoureux, finissent par se suicider. C'est parce que tout simplement, leur rapport amoureux dans lequel ils sont a imposé une demande qui est venue fêler d'une manière presque imperceptible et incompréhensible aux observateurs extérieurs l'artefact psychique qui permettait à ces individus, qui étaient mélancoliques, de constituer une existence psychique normale et des interactions avec les autres. C'est comme je dis toujours, un dépressif qui a un objet bizarre dans sa vie, un truc malin, tel des morts, c'est visible. Mais il y en a plein comme ça, qui ont un bouquin dont ils ne peuvent pas se séparer, un tableau, les collectionneurs de tableaux. Du jour, la femme qui se marie avec eux, n'est-ce pas, leur dit « je voudrais que tu me donnes ce tableau en gage d'amour », ils donnent le tableau et ils se passent par la fenêtre, en général le lendemain. Et on ne sait pas pourquoi. C'est des choses qui arrivent, ces trucs-là. Parce qu'effectivement, on ne se rend pas du tout compte qu'une construction comme celle que Mélanie Klein nous fait nous permet d'éclairer des tas de situations complètement énigmatiques où finalement le mélancolique n'est pas le gars qui passe sa vie à se plaindre, à gémir, etc. Non, il a construit un objet très particulier qui lui permet d'installer, de donner une fonction particulière au manque. Et ces figures ne sont pas des figures romanesques, c'est des figures terriblement concrètes. Hein. Il y a des dons que demande une femme à un homme comme ça à un moment dans sa vie, bon, un type, et voilà, on enlève le truc, c'est souvent des hommes, enfin, c'est comme ça, moi, ce que je peux connaître, et ça produit un ravage mais complètement disproportionné et absolument énigmatique. Absolument, on ne comprend pas ce qui était le gage d'amour. Donc là, je trouve que la magnifique nouvelle de James nous aide bien à comprendre de quoi il retourne si vous le lisez avec des yeux kleiniens. Je vais très vite sur Lacan, parce que bon, c'est plus connu, c'est la fin du séminaire sur l'angoisse. Je dirais que Lacan est celui qui a, d'une certaine manière, transformé la notion de monde interne chez Mélanie Klein, qui est déjà un monde social, en monde symbolique. En ajoutant à cette construction-là, parce qu'il est beaucoup plus proche de Mélanie Klein que de Freud à cet égard, en ajoutant donc à la construction classique du deuil, hein, deux éléments qui me paraissent très importants, hein, c'est qu'il prend beaucoup plus en compte l'angoisse que tous les autres psychanalystes avant lui, et il pense qu'au fond, il faut vraiment plus s'intéresser à l'angoisse comme thème discriminant du deuil normal et du deuil pathologique, l'intensité de l'affect. Mélancolique, c'est pas nécessairement quelqu'un qui pleure tout le temps, et un deuil normal, ça peut être horriblement douloureux, mais vraiment au point d'inquiéter jusqu'à la folie, hein, la famille. Hein, et ça ne va pas faire une folie. En revanche, la structure de l'angoisse, c'est-à-dire la fonction du rapport au manque, elle est extrêmement significative. Parce qu'au fond, c'est ce qui va faire que le mélancolique, lui, va se sentir appelé par le mort. Il va entendre quelque chose comme un « rejoins-moi ». Il va voir le trou dans lequel le mort a disparu, hein, le mort est tombé, comme un endroit qui lui tend les bras. Vous voyez la figure de l'hôtel des morts de Henry James, déjà. Le trou, là, où Stransom est tombé, hein, il tend les bras, d'où Acton Hague est tombé, hein, l'espace qu'il a dégagé, tend les bras à Stransom. Et il s'attend les bras au-delà de la figure de Mary Ann Trim, qui à un moment, quand elle revit dans l'hallucination finale, paraît, n'est-ce pas, sortir de là pour aller chercher. Mais en fait, on se demande si cette hallucination n'est pas l'inducteur du passage à l'acte qui fait qu'il va mourir. Enfin, c'est même pas un passage à l'acte, c'est une mort... fin de vie, en quelque sorte. La vie s'arrête au moment où il va se loger là-dedans. Et ça veut dire que lorsqu'on perd un objet, c'est la thèse, je crois, très profonde de Lacan là-dessus, lorsqu'on perd un objet, on perd non seulement un objet dont on manque, mais on peut perdre un objet qui manque de nous. Et que ce qu'on perd dans le deuil, c'est pas simplement l'objet qu'on aime, ce qu'on a tendance à, vous voyez, un petit peu à voir comme ça de manière un peu exclusive, mais aussi on perd celui qui avait par rapport à nous un manque. Et que selon la manière dont l'autre était organisé ce manque, il se peut bien que certaines personnes symboliquement, est organisé le rapport au manque dans l'autre, hein, chez les sujets. Je peux très bien que certains deuils, certaines morts de certaines personnes déclenchent littéralement une aspiration du sujet dans le trou qui a été creusé. Alors, ceci est normalement, hein, régulé socialement. L'exemple auquel on peut penser très facilement, c'est que, alors nous, c'est difficile à voir parce que nous, le moment du deuil et le moment des funérailles, c'est complètement écrabouillé l'un sur l'autre, et donc nous nous maltraitons psychiquement très gravement. Enfin, chez les gens normaux, chez les primitifs, comme on les appelle, il y a quand même un très grand temps entre le temps du deuil, c'est-à-dire de l'expérience de ce que vous avez perdu, et le temps des funérailles, qui est un moyen d'envoyer bouler les morts. C'est-à-dire que voilà, hein, on a bien pleuré, mais alors maintenant, les morts ne vont plus venir hanter les vivants en réclamant quoi que ce soit, dans des cauchemars, dans les rêves, sous forme de fantômes, parce qu'on a fait un rituel qui a rétabli la coupure entre le monde des vivants et le monde des morts. Et une fois que le mort est mort, c'est pas, une fois que on ferme cette espèce d'ouverture qui fait que les morts pouvaient venir hanter les vivants et réclamer quelque chose aux vivants. Alors moi, je suis toujours frappé de ça, je ne sais pas comment c'est dans vos familles, mais quand on enterre les gens, chez moi, après, les gens se peintent. Ouais. C'est extrêmement étonnant, il y a une sorte comme ça de fermeture de la bouche, avec tout d'un coup presque des éclats de rire, enfin des espèces comme ça de remise en route du jeu pulsionnel autour de l'oralité, comme ça, hein, de la fermeture. Hein, on rentre du cimetière et on saucissonne. Il y a un côté comme ça, extrêmement étrange, alors qui souvent, comme les processus de deuil sont très proches, les gens n'apprécient pas bien le saucisson, ils digèrent mal. Mais chez les gens civilisés, il y avait vraiment des grands repas de deuil, encore dans les... Hein, on voit dans certains pays de l'Est, encore où on vit normalement, il y a des espèces comme ça d'organisation, des funérailles étroitement distinctes, ce projet-là. Alors qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Ben c'est l'expérience que nous faisons tous. Quand est-ce qu'on sait qu'un deuil est fini? On sait qu'un deuil est fini quand on arrête de vivre sous le regard du mort. C'est-à-dire quand on arrête de se dire... De penser à l'enfant qu'on a perdu quand on est en train d'en faire un autre. Quand on arrête de se demander ce que penserait le père qu'on a perdu de la femme avec laquelle on est en train de se remarier. C'est-à-dire quand on cesse de s'angoisser de ce que le mort présent pourrait porter comme regard sur ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pas la fin de la tristesse qui marque la fin du deuil, c'est la fin de l'angoisse. La fin de cette note d'angoisse-là. Et ça, je trouve que c'est une note extrêmement importante, parce que chez quelqu'un qui n'est pas, qui ne dispose pas des moyens de fermer l'œil du mort, qui va rester constamment exposé au trou aspirant du mort, vous voyez très bien comment ça peut virer à la mélancolie. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est que la perte n'est pas simplement la perte de l'objet, ça n'est pas simplement non plus la perte subjective, c'est toujours la perte subjective de l'objet, c'est plus profondément la perte de quelque chose qui était en manque de moi. Et c'est parce que la chose qui est perdue était en manque de moi que l'angoisse est le juste affect qui nous permet de considérer la nature de la perte. Alors, à cet égard, je conclue parce qu'il est super tard. En anglais, par exemple, c'est lié à... Il y a un contresens que les gens font toujours, c'est pas sur la théorie, dans le DSM. Le DSM tient tout à fait compte de ça, puisqu'il distingue bereavement and mourning. Hein. C'est la perte subjective du rituel du deuil. Hein. Et que chez nous, nous avons le deuil, et que le deuil est très ambigu, parce que le deuil a une face subjective, qui correspond à bereavement en anglais, et une face objective, qui correspond à mourning en anglais. Et que l'affect, qui correspond à bereavement, c'est grief. Et que grief et que mourning, n'est-ce pas, n'est pas nécessairement associé à grief. Et donc souvent, comme ça, c'est un truc en revanche qui est très sensible en anglais. Hein, je crois que Jérôme Wakefield avait beaucoup insisté là-dessus. C'est un des très rares endroits du DSM où on voit très bien qu'il est inéliminable de penser le rapport du sujet à l'objet, puisque il y a une distinction entre bereavement et mourning, entre le vécu subjectif et le vécu objectif. Je passe sur ce point. Ce qui me paraît très frappant, c'est donc chez Mélanie Klein, l'issue du deuil fait signe vers l'œuvre d'art. Ce qu'on veut penser, c'est le processus de recréation intérieure et psychique. Chez Lacan, c'est même encore plus vaste que ce processus de création, puisque finalement, le deuil fait partie, et le prix que chacun d'entre nous paye, à la perpétuation de l'ordre symbolique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un ordre symbolique? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des ancêtres? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une ordonnance subjective de chacun d'entre nous à ceux dont il a intériorisé les figures perdues? C'est cet ordre symbolique, c'est la production constante de ce rapport à l'angoisse de la perte, au moment où nous sommes capables de nous détacher du manque que le mort avait de nous, au prix de rituels, de funérailles particulières, de transformations subjectives, parfois d'une analyse, parfois d'une analyse. Il y a des gens qui vont en analyse parce que, au fond, ils ne pleurent plus, mais ils ne savent pas pourquoi ils restent angoissés. Et comme, évidemment, on vit dans une société de méconnaissance, ils oublient que leur angoisse, c'est la partie affectivement non traitée du deuil. Comme ils pleurent plus, ils croient qu'ils ont fait leur deuil. Mais alors, ils ne savent pas ce qu'ils font de leur angoisse. Ils peuvent faire des tableaux, par exemple, comme vous savez, de troubles anxieux majeurs, hein, des attaques de panique, etc. Alors, on donne des médicaments. Et puis, comme ils ne pleurent pas, ils disent « Mais non, mais ce n'est pas parce que j'ai perdu ma grand-mère il y a 10 ans. » Et ce que montre l'analyse, c'est le processus par lequel, justement, tant que l'angoisse n'est pas entièrement passée et que ses causes n'ont pas été élucidées, le deuil n'est pas terminé. Beaucoup de névroses obsessionnelles très graves, où il n'y a que de l'angoisse et pas d'affect dépressif, par exemple, ne sont absolument rien d'autre que des deuils extraordinairement longs à passer et qui, finalement, les symptômes obsessionnels, ces parcours de cure, c'est très spectaculaire, se transforment très rapidement en pure angoisse. Chaque fois que le patient vient, c'est ruisselant d'angoisse, etc., etc. Parce que, et ça fait partie du processus de deuil. Sauf que dans notre culture, c'est terriblement difficile, une fois qu'on pleure plus, une fois qu'on pense plus aux morts, de repérer qu'on a plus ce rapport un peu cognitif à l'objet. J'ai plus son image en tête. Oui, peut-être que consciemment, vous avez plus son image en tête, mais inconsciemment, son image vous regarde toujours et vous appelle. Et cause de l'angoisse, parce que vous ne savez pas barrer l'autre. Vous ne savez pas, la castration dans l'autre n'a pas lieu. Bien. En tout cas, seulement voilà la chose qui me paraît extrêmement intéressante, c'est que cette œuvre d'art, ou bien cette perpétuation de l'ordre symbolique, vous sentez bien qu'elle est infiltrée de quelque chose de très grave, qui est son incomplétude, sa contingence, le fait que ça ne recouvre pas tout, ça recouvre un certain nombre de choses, ça ne recouvre pas tout, notamment l'idée que les deuils, dans les grands épisodes catastrophiques de l'histoire, les deuils impossibles, les deuils qu'on ne peut pas interrompre ou qui sont interrompus par un des produisent effectivement des dislocations extrêmement subtiles qui peuvent tout à fait faire que dans des généalogies, à un moment, il y a un trou noir, quoi. Il y a un trou noir complet. On ne sait pas où sont les morts, ce qu'ils sont devenus, etc. Et cette espèce de cassure se généralise, me semble-t-il, au XXe siècle, avec les immenses catastrophes civiles, sociales que nous traversons, et qu'il ne faut surtout pas avoir un rapport idéaliste à ce que nous raconte ici Mélanie Klein ou Lacan. C'est-à-dire que ça, c'est le monde symbolique qui recouvre le réel autant qu'il peut. Sauf qu'il ne faut pas oublier la leçon du nœud borroméen, c'est que le rond du réel passe par-dessus le rond du symbolique. C'est ça qui est le sens de la modernité chez Lacan, c'est que, bien sûr, le symbolique passe par-dessus l'imaginaire et l'imaginaire par-dessus le réel, mais le réel passe par-dessus le symbolique. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier cette dimension, justement, du primat du réel et du fait que ce n'est pas le symbolique qui recouvre le réel. Comme une espèce de manteau de sens et de sécurité, c'est à certains endroits une coupure qui intervient là-dedans. Et donc, chez Lacan, comme vous savez, la déhiscence entre le réel et le symbolique porte sur la question du père, au départ. Mais ça va bien plus loin. C'est-à-dire que ça ouvre la possibilité qu'il y ait des zones du réel dont le deuil ou les effets ne vont pas, avec toute cette ritualisation, permettre de supporter les carences, les échecs, etc. Et partout, le monde de la culture et du sens ne donne plus le moyen de désigner ce qu'il ne recouvre pas, ce qu'il ne double pas, eh bien, vous avez quelque chose qu'on pourrait appeler presque du désymbolisme, qui est le lieu d'une mélancolie d'un tout autre type que celle dont nous parlons ici. Au fond, ce qui me frappe beaucoup, moi, dans la fin de l'Hôtel des Morts, c'est que la mort de Stransom, c'est pas un suicide. C'est une vie qui s'arrête. C'est extrêmement étrange, si vous y pensez, comme ça. C'est très audacieux, parce que ça a l'air... c'est énigmatique, quand même, que la vie s'arrête. Si c'était suicidé, je trouve que ce serait compréhensible dans le registre narratif traditionnel, il se tue, enfin, ou il lui arrive un accident. Mais c'est pas ça, c'est qu'il expire, littéralement. C'est comme si vraiment la vie, hein, c'était un fluide qui peut quitter comme ça un corps, comme quelque chose qui se détache de lui, sans qu'il y ait d'acte, sans qu'il y ait de conscience, etc. Et en même temps, comme j'avais pointé la dernière fois, mais c'est une autre interprétation possible, en même temps, ce qui est totalement terrible, et ça on le voit plus dans les suicides des mélancoliques, c'est la manière de se mettre à charge de la nièce. C'est que maintenant, très bien, elle a arrangé son truc avec Actonag, elle l'a pardonné, etc. C'est super, à moi. Tu n'arrêteras jamais d'être en deuil. C'est ça la mort, ce qui lui meurt dans les bras. Donc il me semble qu'une lecture possible, hein, c'est de dire qu'il lui fait le cadeau mortel d'être un deuxième deuil après le deuil d'Actonag. De façon à ce qu'elle ne quitte jamais cette position de deuil dans laquelle elle a été entièrement manipulée. Et donc, ce que je voulais dire par cette espèce de difficulté proprement moderne à appréhender des formes de mort qui sont au fond celles du devenir cadavre entamé dès la naissance, qui sont sans bruit, sont extrêmement... sont des manières justement de n'avoir jamais habité sa vie, mais d'y avoir expiré, en quelque sorte, de l'avoir laissé, de l'avoir accompagné au plus près, au plus ras, dans ses accidents, sans jamais s'en être décollé, sans aucune espèce d'investissement, etc., avec une sorte, comme ça, de détachement extrêmement étrange et très proche du vécu du corps. C'est ces gens qui vivent comme ça, en se laissant mourir. C'est pas du tout spectaculaire et dans quelque chose qui échappe aux mots. Et je trouve qu'une des formulations qui m'a le plus inspiré pour ça, c'est la fin d'un des recueils de Sébastien Simirou qui s'appelle Mon Laurent, dont j'avais parlé ici, où voilà, c'est les vers suivants qui sont les derniers du poème. Vous allez voir comment se mêle la question du signifiant, du trou dans le signifiant, c'est-à-dire de savoir au fond ce qui se passe quand il y a des endroits que le signifiant ne désigne pas comme manquant, mais qui sont des trous réels dans l'espace de la signification, et où, finalement, l'énigme fait que vous n'allez pas vous identifier à un objet ou à quelque chose qui serait rien de nommable, mais à quelque chose qui est vraiment un trou, une lacune dans le nommable. C'est ces vers. « Charge-t-on comme une petite synthèse de soi dans un os éternel ?» Parle-t-on la même langue morte, mort ? Ou la même nous parle-t-elle à tous ? Et en combien de calques concollés, de feuilles, d'animaux déposés et de pluie, devient-on rien ? Je passerai donc à Schreber la prochaine fois, qui sera en janvier. Je crois que ça doit tomber le 15, c'est ça, un truc comme ça. Hein ? Un peu plus tard, ou le 18, si quelqu'un est annuaire. Ce sera le 18, oui. Non, ça tombe le 20. Donc ce sera le 20 janvier. Je voulais vous demander, est-ce que la version... Oui. Est-ce que les derniers textes sont aussi équivoques dans la traduction française. Parce qu'il n'est pas dit en janvier précisément qu'il est mort. Oui, vous avez raison, je ne sais pas. Je n'ai pas dans cette traduction-là, je ne sais pas ce que ça donne. Par le visage de Strumson, avait la pâleur vraiment. Je pense que c'est parce qu'il veut mettre le mot mort. Et ça, je suis sûr, c'est death. Bien sûr, le dernier mot en anglais, je suis quasiment sûr. Moi, j'ai halluciné. Est-ce qu'il y a eu un évanouissement et puis ensuite, bon, est-ce qu'il est mort, est-ce que c'est la pâleur de la mort? Est-ce qu'il est mourant? Enfin, il est mourant depuis le départ, hein, le bon gars, hein, ça, c'est sûr. Qu'il est né. Dès le départ, il est mal barré. Hein. Oui. C'est vrai que elle fut de ce qui pouvait encore arriver, ouais. Car le visage de Strumson... Non, mais pour moi, c'est du James à l'état pur. Ça, c'est... Bien sûr que... On ne sait pas. Mais on sait quand même là hein, qu'il est mort. Oui. Mais c'est vrai, ça ajoute une couche. Oui, je pense que oui, si c'est ça, c'est ajouter une couche. Il faut regarder le texte. Très bonne question.